parce que tu es une jolie fille bien balancée. Parce que tes yeux sont aussi bleus qu'un ciel d'été. Toi tu te dis que ça suffit, que je dois tout te pardonner. Ça serait trop beau, ça serait trop beau. Parce que je prends tant de plaisir à t'embrasser. Parce qu'avec toi, j'aime sortir, j'aime danser. Quand tu fais tout ce que tu veux, moi je devrais fermer les yeux. Ça c'est trop beau, ça c'est trop beau. Mais maintenant pour moi la coupe est pleine. Aujourd'hui je te quitte car mon cœur a trop de peine. Car mon cœur a trop de peine.